aufhören, Flüchtlinge. Bitte aufhören, Flüchtlinge. Ich lese Ihnen jetzt nicht die Tageszeitung vor. C'était pas très grand ami de Jean Cocteau. Il avait connu Jean Cocteau. Alors, moi, comme celui qui l'ont fondé. Mais ce sera à nous d'écarter. Dans le passé. Car, je ne sais pas le nom de Jacques de Ricomo. Sah gut aus. Könnt ihr mir vorstellen?